Section 19 de Histoire générale du IVe siècle à nos jours, tome 3e. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Lu par Christiane Johan. Histoire générale du IVe siècle à nos jours, tome 3e. Formation des grands États. 1270-1492, publié par Ernest Lavis et Alfred Rambaud. Chapitre 5, première partie, les lettres, sous-partie B. Première moitié du XVe siècle, par Louis Petit de Jullieville. Absence d'une tradition littéraire. Le XVe siècle fait assez belle figure dans l'histoire. L'artillerie transforme l'art de la guerre. L'imprimerie est inventée, l'Amérique est découverte, mais dans le domaine littéraire, le XVe siècle est moins créateur. En France, il n'a presque rien tiré des sources de poésie propres au Moyen-Âge, sources à demi taries déjà au siècle précédent. Il n'a pas su, faute de hardiesse ou de circonstances favorables, entrer franchement dans des voies nouvelles, raviver l'inspiration indigène par l'étude de l'Antiquité, enfin, commencer la Renaissance. Elle était préparée dans les esprits par le grand travail de traduction poursuivi pendant la seconde moitié du XVe siècle avec la faveur des rois et des grands. Déjà, une légion d'humanistes, disciples et admirateurs de Pétrarque, en France comme en Italie, professaient le culte raisonné des modèles antiques. La curiosité de savoir et l'ardeur à l'étude étaient merveilleusement répandues. Tous ces germes heureux d'une renaissance possible périrent étouffés dans les grands désastres publics. La guerre civile et la guerre étrangère refoulèrent la renaissance prête à s'épanouir. Elle fut ajournée d'un siècle. Dans ces circonstances malheureuses, nulle tradition littéraire ne put se fonder. Les œuvres furent toutes individuelles, très différentes entre elles par la forme et par le fond. Charles d'Orléans semble ramener la poésie à la perfection un peu menue des anciens chansonniers. Au contraire, Villon, Comines, dépassent leur temps, l'un par l'intensité de l'émotion poétique, l'autre par la profondeur des réflexions politiques. Tous également n'ont ni maître ni disciple. Christine de Pisan. Au commencement du siècle, le meilleur écrivain qui fut en France était une femme, qui se proclamait l'élève d'Eustache Deschamps, quoiqu'en fait, elles lui doivent peu. Christine de Pisan, italienne d'origine et de naissance, avait grandi en France auprès de son père, astrologue et médecin royal. Mariée à 15 ans et d'abord gâtée par la fortune, elle avait vu ensuite mourir en peu d'années le roi Charles V, protecteur de sa famille, Thomas de Pisan, son père, enfin son mari, Étienne Castel. Elle resta veuve et sans ressources avec sa vieille mère et trois petits-enfants. Elle essaya d'abord de disputer à des créanciers avares les débris de son opulence. Bientôt réduite aux abois, elle forma l'héroïque dessein de vivre de son talent. Son père, un savant homme qui, dit-elle, n'opinait pas que les femmes fussent pires pour apprendre, l'avait instruite avec amour. Elle résolut d'user de son savoir et la première inventa le métier d'écrire. Son sexe lui interdisait de prétendre aux bénéfices qui, en ce temps, assuraient la vie matérielle aux écrivains. Elle s'adressa directement au public, du moins aux nobles et aux grands. Elle faisait copier ses livres et les offrait à ceux qui étaient capables de les goûter et assez riches pour les payer. Sa réputation fut brillante et en partie méritée. Son principal défaut fut sa facilité excessive, dont elle abusa, écrivant sur toute chose, avec une rapidité fâcheuse et sans se donner le temps de réfléchir suffisamment. « Ce sont des faux féminins, dit-on, mais combien d'hommes n'en sont pas exempts ?» En d'autres temps, elle eût été journaliste, quotidien et infatigable. Ses meilleurs écrits sont ceux où elle a mis le plus d'elle-même. Ses longs poèmes moraux et allégoriques semblent aujourd'hui fastidieux. Mais quelques ballades fort simples où elle a dit les tristesses de son veuvage prématuré, d'autres pièces, inspirées du spectacle des mots publics sous ce règne infortuné, se lisent encore avec beaucoup de plaisir. En prose, elle a laissé le livre des faits et bonnes mœurs du roi Charles V. un peu tourné à l'apologie, comme on pouvait l'attendre de sa fidèle reconnaissance. Mais il y a sous ce règne et chez ce roi beaucoup de choses qu'on pouvait louer et admirer sans mentir. L'ouvrage est précieux d'ailleurs par beaucoup de détails sur la vie de la cour et la personne des princes, et qui ne se trouvent pas ailleurs. Ce sont choses que la fille de Thomas de Pisan pouvait savoir de première main. La vision de Christine, en prose, renferme l'histoire de l'auteur avec d'abondants souvenirs de son enfance et de sa jeunesse. Ces autobiographies, dont les modernes ont abusé, sont au contraire bien rares au Moyen Âge. Celle de Froissart est toute romanesque. Celle-ci, au contraire, est absolument sincère et n'en est que plus touchante. Christine de Pisan a beaucoup écrit sur son sexe, en vue d'instruire les femmes et de leur enseigner leurs devoirs. Elle prit leur défense contre Jean de Main, qui les avait si cruellement maltraitées dans le roman de la Rose. Elle réclama pour elle le droit au savoir, non pour les affranchir, mais plutôt pour les soumettre plus rigoureusement à toutes les obligations de leur condition. Le livre des Trois Vertus, vrai traité des devoirs des femmes de Touran, depuis la reine jusqu'aux filles de laboureurs, est rempli de détails curieux et précis sur les usages du temps, sur les mœurs, la vie privée. Aucune chronique ne tient lieu d'un tel livre. Beaucoup des nombreux ouvrages de Christine, elle écrivit jusque sur l'art militaire, ne sont que des traductions de morceaux choisis qu'elle emprunte aux auteurs anciens. Elle savait bien le latin et, avant du Bellay, se faisait gloire de piller Rome. Ces livres, faits avec d'autres livres, nous semblent aujourd'hui des compilations médiocres. Il faut les estimer pour l'époque où ils paraissaient. Les pages antiques dont il se parle sont devenues banales depuis la Renaissance. Elles étaient neuves en 1400. Elles ont servi à initier beaucoup d'esprits à la connaissance et au goût de la pensée grecque et latine. Quand la victoire des Bourguignons mit Paris à feu et à sang, 1418, Christine, attachée au parti contraire, se retira dans un couvent. 11 années plus tard, elle eut la joie de saluer les victoires de Jeanne d'Arc et les célébra dans des vers qui sont les derniers qu'on ait d'elle. Cette Italienne s'était montrée bonne Française durant toute sa vie. Le roi d'Angleterre et le duc de Milan lui firent en vain des offres brillantes. Elle ne voulut jamais quitter sa patrie d'adoption. Les pages que lui inspira le spectacle des guerres civiles qui déchiraient la France sont remplies d'éloquence et de pathétique. Un peu trop tendu et majestueux quand il imite l'Antiquité de trop près, son style est excellent quand il veut bien être simple. Sans s'élever au génie, à la vraie originalité, Christine est assurément l'une des plus remarquables intelligences de son temps. Son aptitude à tout comprendre, à tout s'assimiler, la variété de ses goûts et de son savoir, la souplesse de son talent l'auraient rendu un des meilleurs ouvriers d'une renaissance littéraire dans une époque moins défavorable aux lettres. Alain Chartier. Alain Chartier, bien plus célèbre auprès des contemporains, regardé pendant longtemps comme le plus beau génie de son siècle et de tous les siècles, n'a peut-être sur Christine d'autre avantage que celui d'une prose plus ferme, due à une connaissance plus solide et plus exercée des modèles latins. Ses vers sont faciles, médiocres, ennuyeux. Il les composait entre 1415 et 1429, entre Azincourt et Jeanne d'Arc. Et nous avons peine à souffrir que dans ces années tragiques, honteuses, désastreuses, un poète se soit trouvé pour consacrer des milliers de vers à des mièvreries amoureuses et que des milliers de lecteurs se soient passionnés pour ces vers de galanterie courtoise pendant qu'un enfant anglais était proclamé roi de France à Paris. Mais il faut nous persuader que nous nous faisons de la poésie une idée toute différente de celle qu'on s'en faisait au XVe siècle. Nous demandons aux poètes de nous émouvoir, et ils ne nous émeut qu'en répondant d'abord à la disposition de notre âme, en la frappant où elle est le plus sensible, en ravivant, pour ainsi dire, ses blessures. Au contraire, la poésie était, pour les hommes du XVe siècle, une distraction élégante aux ennuis et aux misères de la vie. On ne lui demandait pas d'exprimer plus fortement que tous les choses que tous ressentaient, mais plutôt d'emporter l'esprit dans une région sereine et idéale, étrangère à toutes les réalités douloureuses. le prosateur chez Alain Chartier est supérieur au poète. Nourri de fortes études latines, il a eu le sentiment de ce qu'est le style en prose. Froissart avait souvent bien écrit, mais bonnement, sans le savoir. Il est permis d'ailleurs de préférer cette simplicité. Le premier, Alain Chartier, a su composer avec ordre, développer une idée, un argument. Le premier, il posséda le secret de cette forme oratoire qui se perdit bientôt après lui et que retrouva Balzac au XVIIe siècle, avec le même éblouissement des contemporains surpris et charmés. Dans plusieurs de ses écrits en prose, il sut aussi s'inspirer à propos des circonstances politiques, prêter une voix, au lendemain du traité de Troyes, à la douleur de la France, à son indignation, alors qu'il adjure les trois ordres, dans le quadrilogue invectif, d'oublier leur rancune et de s'unir contre l'ennemi commun. Dans le curial, le courtisan, ce dernier mot nous est venu de l'Italie au XVIe siècle, Alain Chartier peint discrètement, mais avec force, les mœurs de cette petite cour de Charles VII à Bourges, où des ambitieux, des intrigants, des favoris et des favorites se disputaient par la ruse et par la violence la conduite d'un monarque qui ne devait révéler ses talents réels qu'après une longue enfance et une jeunesse incapable. Secrétaire du roi Charles VII, Alain Chartier, dans cette situation à la fois modeste et privilégiée, pouvait tout voir et tout observer sans porter ombrage. Le curial est, parmi ses ouvrages en prose, le plus constamment soigné dans la forme. Martin le Franc. L'influence d'Alain Chartier sur la langue se fait sentir même dans la poésie. Par exemple, chez Martin le Franc, l'auteur du Champion des Dames, moins connu qu'il ne le mérite, car il eut un talent assez original, dans un siècle où l'originalité n'est pas commune parmi les écrivains. Son poème est trop long, 24 000 vers. La forme en est monotone, le cadre en est fastidieux. L'auteur abuse de l'allégorie et des digressions. Mais il a de l'esprit, de la verve, des idées personnelles, et souvent une facture heureuse et d'une fermeté remarquable. Il fait l'éloge des femmes contre leurs adversaires, nombreuses au Moyen-Âge parmi les poètes et les moralistes. Mais au besoin, il les attaque et raille leurs défauts avec autant d'âpreté que gens de main, qu'il répète quelquefois en feignant de le réfuter. Surtout, il parle de toutes choses, à propos de tout. Il touche à la politique, à la religion, aux mœurs, à la littérature et aux arts. Son livre est une encyclopédie confuse et pédante, mais souvent piquante, par l'abondance et l'imprévu des renseignements. Une encyclopédie des idées et des sentiments contradictoires qui se heurtaient ou se confondaient dans l'esprit de ce siècle étrange où la pensée humaine semble aller à la dérive. Tantôt noble et tantôt triviale, tour à tour élevé ou cynique, libre dans ses propos jusqu'à l'impiété, ou chrétien docile et pieux, Martin le Franc rassemble tous les contrastes, toutes les bizarreries. Et l'impression que laisse son poème est celle d'une confusion qui n'est pas toutefois sans puissance et sans intérêt. Son principal mérite est d'avoir un style à lui, et par là il se rattache à Alain Chartier qu'il admire. Tous deux furent des hommes d'État, ou au moins d'affaires, très engagés dans la politique et dans toutes les agitations de leur temps. La haute fortune de Martin le Franc a plutôt nui, comme il arrive parfois, à sa réputation littéraire. Il ne réussit pas à se faire accepter tout à fait pour un poète, parce qu'il était autre chose. Il s'en consolait fièrement en faisant appel à la postérité. Charles d'Orléans. Charles d'Orléans, contemporain d'Alain Chartier, échappa tout à fait à son influence par le malheur de sa longue prison, qui fut en même temps un exil. Il se recommande par des qualités tout à fait différentes. C'est le poète des petits cadres et de l'inspiration courte. La plupart de ses poésies varient de 12 à 50 vers, ballades, rondeaux, chansons. Dans ses cadres menus, il est excellent. On peut caractériser son talent par deux traits essentiels. D'abord, l'idée chez lui est toujours précise. Je ne dis pas toujours neuve ou rare, elle est, au contraire, souvent banale, mais parfaitement nette et claire. Ensuite, la forme est très soignée. au lieu que dans les longs poèmes didactiques, le poète trop souvent semble écrire au courant de la plume, ici le style est travaillé avec goût et avec amour. Une idée très nette, dans une forme exquise, tel est le caractère commun de ces petits ouvrages. Le travail y décèle l'auteur. Le prince avait grandi dans une cour luxueuse et tout ce qui l'entourait, mais surtout son père et sa mère, Louis d'Orléans et Valentine de Milan, aimaient passionnément les œuvres d'art de toutes sortes, bijoux, émaux, reliures, tapisseries, broderies. La poésie de leur fils ressemble aux précieux joyaux de ces belles collections. N'y cherchons pas d'autre beauté que celle d'un travail exquis. Le fond et la pensée sont faibles ou monotones. Voilà un prince qui a été mêlé presque dès l'enfance aux événements les plus douloureux et les plus tragiques. À 15 ans, on le marie à la veuve d'un roi assommé dans sa prison. Note, Isabelle de France, veuve de Richard II, fin de note. À 16, il voit son père, le frère du roi de France, tomber dans une rue de Paris, meurtri à coups de hache. À 17, il voit sa mère expirer de douleur et d'indignation pour son époux non vengé. À 18, il est veuf de sa première femme. À 24, il perd la seconde. Note, bonne d'Armagnac, fille du connétable. Fin de note. Entre ces deux veuvages, il déchaîne la guerre civile. Il se bat pendant 5 ans contre le Bourguignon, contre l'étranger. Fait prisonnier à Azincourt, on l'emmène en Angleterre. Il y reste 25 ans, dans une captivité très dure. Il n'y trouve d'autre consolation que la poésie. Mais on serait fort déçu si l'on cherchait dans ses vers un écho de ses aventures tragiques. Charles d'Orléans n'écrit pas pour se souvenir, mais pour oublier. Il ne veut pas aigrir ses douleurs, il veut les endormir ou les consoler. Que mettra-t-il donc dans ses vers? Rien que les rêves gracieux de son imagination. Il chantera les peines et les joies de l'amour, non de la passion violente qu'il n'a jamais connue, mais de la tendresse délicate et discrète que ressent un cœur doucement épris. Nul trait précis n'a permis qu'on devinât le nom de celle qu'il aime et qu'il célèbre. Figure tout idéale, ou plutôt irréel. Ce n'est pas une femme en particulier, c'est la beauté, c'est l'amour qu'il chante, et jamais langue plus précise ne fut mise au service de sentiments plus généraux et plus vagues. Conclusion sur cette période. Ces 4 noms renferment à peu près tout ce que la littérature proprement dite a donné de remarquable dans la première moitié du XVe siècle. Christine de Pizan, Alain Chartier, Martin Lefranc, Charles d'Orléans. Je ne parle pas des chroniqueurs, dont l'œuvre, entre Froissart et Comines, très précieuse aux historiens, véritablement n'appartient pas à la littérature. Car il ne faut pas laisser dire que toute œuvre écrite est une œuvre littéraire. Où s'arrêterait-on? Le flot montant des chartes inonderait notre domaine. Il n'y a d'œuvre littéraire que celle des écrivains qui ont eu un sentiment, au moins instinctif, du mérite de la forme, et qui ont essayé de plaire à leurs lecteurs par la forme. Leur goût est souvent de mauvais goût, mais enfin c'est un goût quelconque. Ceux qui n'ont pas de goût d'aucune sorte doivent être bannis de la littérature. Au reste, c'est peut-être assez de 4 écrivains pour représenter un demi-siècle dans un temps si peu propice aux muses. Les qualités qu'ils présentent sont en outre singulièrement variées. Christine de Pizan nous intéresse par sa facilité un peu fluide, par l'étendue de ses aptitudes, par l'élévation de son caractère et sa fidélité constante à sa patrie d'adoption. Alain Chartier, esprit plus vigoureux, écrivain plus ferme, offre un style et une pensée plus personnelle. Son œuvre est un progrès de la langue devenue apte par lui à une éloquence soutenue qu'il sait rendre bien française, quoiqu'elle soit imitée des latins et forgée sur leur modèle. Martin Lefranc semble avoir appris d'Alain Chartier ce secret d'une facture ferme et arrêtée. Il la gâte souvent par la prolixité ou par le prosaïsme. Il la relève quelquefois par son esprit, sa verve, ses boutades, les allusions, les souvenirs dont son œuvre incohérente est remplie. Si l'on veut lire un poème où se reflète dans un désordre animé et bizarre, amusant, toute la confusion des idées et des mœurs régnantes au milieu du XVe siècle, c'est le Champion des Dames qu'il faut lire. Charles d'Orléans ne lui ressemble guère, lui qui n'a ni su ni voulu exprimer autre chose que lui-même dans ses poésies, et non pas lui tout entier, mais son imagination poétique et sentimentale, isolée du cadre grossier des hommes et des choses de son temps. Il rachète ce que cette conception un peu restreinte avait de froid et de monotone par l'exquise qualité de sa langue, élégante et ciselée comme un joyau précieux, petit poète par la pauvreté des idées et la minutie du procédé, grand poète par la perfection qu'il a quelquefois touchée. Fin de la section 19.